Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le récit d'une alliance politique restera comme une tâche pour la droite française. En mars 1998, des élus de cette famille politique pactisent avec le Front National pour obtenir des postes de président de conseils régionaux. Les Français assistent en direct à la coupure du cordon sanitaire qui isolait le Front National des autres partis politiques. Grâce à son score de 15% obtenu lors des élections régionales, un scrutin qui intéresse peu les Français, le parti de Jean-Marie Le Pen se retrouve dans la position confortable de faiseur de roi. Il y avait déjà eu le tournant de Dreux en 1983 avec la fusion des listes de droite et du Front National pour ravir la mairie de cette ville à la gauche. Mais 15 ans plus tard, ce n'est plus l'histoire d'une mairie, ce sont plusieurs régions qui sont en jeu. Dans cette France de la cohabitation dirigée par le tandem Chirac-Jospin, le Front National va s'imposer comme une troisième force sur la scène politique, 4 ans avant le 21 avril 2002 et l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Notre invité aujourd'hui, Dominique Albertini, journaliste politique à Libération, auteur de l'ouvrage intitulé « Histoire du Front National ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En cette soirée du 15 mars 1998, des millions de Français ont les yeux rivés sur leur écran de télé pour regarder les résultats des élections régionales. Pourtant, ils sont plus de 42% à ne pas s'être déplacés pour aller voter. Mais bon, à 20h, les résultats tombent. 36,5 pour la gauche plurielle, 35,5 pour la droite parlementaire, soulagée. Car ce n'est pas la déroute annoncée depuis plusieurs semaines. De son côté, le Front National obtient près de 15% des voix. Un score qui aurait pu surprendre au début des années 80. Mais le FN de 1998 n'est plus ce petit parti marginalisé avec quelques centaines d'adhérents. Non, il en compte désormais 42 000. Et puis 15%, c'est devenu le score de référence du parti d'extrême droite. À la présidentielle de 95, aux législatives de 97 et aux régionales de 98, c'est 15%. Un résultat encore loin des partis de gouvernement, mais un score qui donne au FN 268 sièges de conseillers régionaux, soit autant de voix marchandées pour l'élection des présidents de région. Le mode de scrutin de ces régionales est à un seul tour. Ensuite, les politiques s'arrangent entre eux pour élire les présidents de région. La bonne nouvelle pour le FN, c'est que droite et gauche sont au coude à coude dans de nombreux conseils régionaux. Les voix des élus d'extrême droite peuvent donc faire pencher la balance, comme l'explique Alain Duhamel. En ce qui concerne la droite modérée, elle va avoir une soirée à suspense et pendant des heures, on va se demander si telle région se jouera à un siège ou à deux sièges. Le Front National a un score qui n'est pas très différent de ce qu'il avait avant. Il y a stabilité, mais à partir du moment où la différence entre la gauche plurielle et la droite modérée est plus faible que ce qu'annonçaient les sondages, bien entendu, la semaine va être essentielle, et là, on pourra voir si les indications, les demandes, les exigences, les prises de position publique des dirigeants de la droite modérée qui étaient aucune alliance locale avec le Front National vont se retrouver ou pas à l'issue de cette élection, dont il faut tout de même rappeler pour terminer que le taux de participation est alarmant en règle générale. Quand Alain Duhamel s'exprime, en principe, on l'écoute religieusement à cette époque. En tout cas, il ne se trompe pas, ce soir-là, la soirée. Et les jours à venir s'annoncent en effet très agités pour la droite. Dans les états-majors du RPR et de l'UDF, on recompte, on calcule, on projette. Dans sa déclaration télévisée, le chef du RPR, à l'époque Philippe Séguin, ferme la porte à toute alliance avec le FN. Heureux des résultats de son parti, Jean-Marie Le Pen, lui, se permet de tacler son ennemi préféré, Jacques Chirac. Et il dit « La dissolution était un fusil à deux coups. Ils ont perdu aux législatives, ils ont perdu aux régionales. » Pour les consignes de vote, le patron du FN donne rendez-vous pour plus tard. Juste avant de rendre l'antenne, le présentateur Daniel Bilalian présente une carte avec les régions acquises à la gauche et à la droite. Évidemment, cette carte ne prend pas en compte les alliances éventuelles entre le FN et la droite. Et pour cause. Les chefs de l'UDF et du RPR ont dressé depuis quelques années ce qu'on pourrait appeler un cordon sanitaire entre eux et le parti de Jean-Marie Le Pen. Pourtant, après une semaine de tractations politiques intenses, la carte des régions va être complètement chamboulée. Après les déclarations médiatiques, voici le marchandage politique. Le second tour commence. Un second tour informel, sans électeur, un second tour où les négociations se déroulent dans le secret des bureaux et des chambres d'hôtel. Mais aussi, et dans l'urgence, l'élection des présidents de région a lieu en effet le vendredi 20 mars, 5 jours plus tard. Le lendemain du scrutin, tous les partis politiques s'activent. Au Front National, le bureau est convoqué. Campé devant le paquebot, le siège du parti à Saint-Cloud, les caméras attendent, les cadres frontistes. Le premier arrivé, c'est Bruno Maigret, tout sourire. Tout ce qui devait être dit a déjà été dit. Hein. C'est-à-dire que nous étions prêts, je ne vais pas le répéter une 20e fois, hein, que nous étions prêts à des accords pour peu que ceux qui souhaitent faire barrage à la gauche acceptent de prendre en partie notre programme pour le réaliser. Le ton est froid et retenu comme d'habitude avec Bruno Maigret, mais on le sent bien, il jubile. Ce polytechnicien de 48 ans, admirateur de Napoléon, délégué général du parti depuis 10 ans, s'est imposé comme le numéro 2 du Front National. Si tant est qu'il puisse exister un numéro 2, car au FN, Jean-Marie Le Pen règne comme un monarque. Mais Bruno Maigret veut casser justement la logique Le Pen. Au coup d'éclat impulsif de son chef, il oppose lui une tactique froide et méthodique. Le 11 juin 1997, 10 jours après les législatives, il déclare au journal Le Monde. Le RPR et l'UDF sont structurellement minoritaires. Ils sont pris en tenaille entre la gauche et le Front National. Dans une telle situation tripolaire, la formation du centre est amenée à disparaître ou à se rapprocher de l'une des forces qui l'encadrent. Près d'un an après les élections législatives de 1997, le FN se retrouve une nouvelle fois dans une position confortable. Le parti d'extrême droite a le choix de faire perdre la droite ou de l'aider à gagner. En 97, en maintenant des candidats dans 77 triangulaires, le FN avait largement contribué à la victoire de la gauche. Cette fois, c'est une tactique très différente qui s'élabore dans les coulisses de ce parti qui a le pouvoir de faire gagner la droite dans 12 régions sur 22. Maigret rêve d'un scénario à l'italienne. Après la crise de la démocratie chrétienne au milieu des années 90, Silvio Berlusconi a réussi à former une grande coalition de droite réunissant libéraux, conservateurs et anciens néofascistes recentrés. Maigret projette lui une grande alliance FN-UDF-RPR prête à combattre la gauche socialo-communiste. Mais pour cela, il faut édulcorer le programme et éviter les sorties de piste de Jean-Marie Le Pen. C'est bien la stratégie adoptée et dont vont débattre les cadres du parti. Lorsque Bruno Gollnisch arrive à son tour, il évoque le suicide de la droite parlementaire. Sous-entendu, sans alliance avec le FN, la droite est perdue. En ajoutant, peut-être ne sont-ils pas tous suicidaires. À son arrivée devant le siège du parti, Marie-France Tirvois, ancienne députée FN d'Eure-et-Loire, enfonce le clou. Il y a peut-être moyen de parler avec des gens intelligents. Alors, il n'y a pas que des crétins. À droite, on a dit que la droite était la plus bête du monde. Je pense qu'il y a tout de même encore des gens intelligents. Je l'espère. Après de longues heures de bureau politique et sous l'impulsion des deux Bruno, Maigret et Gollnisch, le Front National concocte un plan de bataille pour pactiser avec certains élus de la droite. Le piège se referme. Jean-Marie Le Pen l'annonce devant un parterre de journalistes impatients. Sous son pupitre, on peut lire ce slogan « Tenez bon, on arrive ». Le Front National est prêt à aider les élus locaux qui le souhaiteraient sincèrement à faire barrage aux socialo-communistes. Il ne considère pour cela que l'intérêt commun du pays et de ses régions qui est son unique boussole. À cette fin, le Front National ne demande aucune prébende pour lui-même. il n'exige pas la prise en compte de l'intégralité de son programme à ceux qui veulent sauver leur région de 6 années de socialo-communisme de saisir cette proposition loyale. Conformément à la logorée frontiste, s'ensuit la liste des priorités que les élus de droite devront accepter pour obtenir les voix du Front National. Autrement dit, refus des hausses d'impôts, priorité à la sécurité, défense de l'identité culturelle régionale, refus de la dictature du conformisme de gauche sur la culture, défense de l'emploi par l'apprentissage. Et pourtant, c'est un programme allégé, un FN édulcoré. La préférence nationale, en effet, a disparu. Il n'y a plus rien d'extrême si ce n'est la réputation du parti. À la surprise de Maigret et Gollnisch, Le Pen accepte cette tactique. L'opportunité est belle. De nombreux élus de droite pourraient couper le cordon sanitaire pour faire alliance avec le Front National. Jean-Marie Le Pen a aussi une idée en tête. Prendre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par un système d'alliance et de contrepartie, pourrait y prétendre. Et à défaut d'être président de la République, il dirigerait une région. Comme Chirac, on l'appellerait Monsieur le Président. Comme lui, il serait conduit en Renault Safran, le soleil en sus. Le même jour, au siège du RPR, c'est l'inquiétude. Les cadres du parti craignent les réactions des élus locaux qui pourraient être tentés par un rapprochement avec le FN. On ne vend pas son âme pour une Safran, lance Philippe Séguin, leader du RPR. Oui, la Safran, cette berline qu'on donne au président de région, est le symbole du pouvoir. Petit pouvoir, mais pouvoir quand même. Et pour les chefs de la droite, il n'est pas question de se compromettre pour des postes de seconde zone. Et pourtant, dans les régions, la fronde se fait sentir. Certains élus ne comptent pas laisser un poste de président de région à la gauche pour quelques voix. Alors, on se bat pour obtenir des ralliements. On vise d'abord des listes sans étiquette, chasseurs, indépendantistes, écologistes et autres marginalités politiques. Mais quand on fait les comptes, il manque toujours des voix. Le gisement, c'est au Front National qu'il se trouve. Alors, certains élus partent à la pêche, comme Jacques Valade, président sortant RPR de la région Aquitaine, qui explique qu'il pourrait proposer un contrat d'exécutif à qui voudrait le saisir. À Paris, lorsque Philippe Séguin apprend la nouvelle, il ordonne de sa voix caverneuse à sa secrétaire « Appelez-moi Valade » avant de fermer rageusement la porte de son bureau. Une heure après le coup de téléphone, Jacques Valade fait paraître un démenti sur une éventuelle alliance. Philippe Séguin éteint un incendie rapidement, mais ce sont des feux mal éteints. Le soir même, en effet, sur le plateau de l'émission Beaucroisé, deux hommes politiques débattent. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Et lorsque la question des alliances avec le FN survient, Sarkozy réitère le mot d'ordre, il n'y aura pas d'accord avec l'extrême droite. Donc demain, nous avons un certain nombre de réunions pour vérifier région par région quelle est la situation. Ce que je peux vous dire, c'est que les choses se feront à parfaite clarté, que nous ne serons les otages de personne, et spécialement pas des dirigeants du Front National, qui en matière de coup de main à la gauche n'ont aucune leçon à donner à personne. Sans eux, jamais vous ne serez au pouvoir. Et demain, il y aura des réponses très précises. Et croyez bien que quand vous parlez de déviation d'un certain nombre de dirigeants locaux, vous risquez fortement d'être déçus. Parce que pour avoir pris des contacts avec la quasi-totalité d'entre eux, je vous prie de croire que bien au contraire, il me semble que chacun voit bien ce qui est en cause et fait preuve d'une très grande responsabilité. Parce que nous sommes sur le regard des Français. Ce qui se joue, c'est pas simplement l'avenir des régions, c'est demain la capacité pour l'opposition de reconquérir la France. Lorsque le cas de Jacques Valade est évoqué, Nicolas Sarkozy peut tranquillement expliquer qu'il a été réglé dans la journée. Oui, mais d'autres élus ont fait des déclarations ambiguës. Jacques Blanc, notamment, président sortant UDF de la région Languedoc-Roussillon, lui, se dit prêt à accepter les voix du Front National. Je ne signerai pas d'accord, ni d'alliance. Ils feront ce qu'ils voudront et je les respecte. Parce que s'il s'agit d'aller diaboliser ou insulter, écoutez, ça suffit. Je ne diabolise pas, je respecte. Je ne diabolise pas, je respecte. Jacques Blanc respecte le Front National. Il l'a déjà prouvé en acceptant les voix des élus frontistes en 1986 pour devenir président de la région. 12 ans et 2 mandats plus tard, il compte bien utiliser le même procédé pour garder son fauteuil. Et ça s'affrane. Et tout cela, c'est d'abord le problème de l'UDF. Ses cadres sont sur le pied de guerre. Il se retrouve le mardi après l'élection pour un bureau politique dans le 7e arrondissement de Paris. François Léotard, qui a été battu en Provence-Alpes-Côte d'Azur, propose de démissionner de la présidence du parti. François Bayrou refuse. Non, il faut rester soudé face à la tempête qui s'annonce. Le bateau prend l'eau de toutes parts, résume alors un responsable du parti. Comme Jacques Blanc, Languedoc-Roussillon, d'autres élus ont en effet l'intention d'accepter les voix du Front National. En région Bourgogne, Jean-Pierre Soisson compte refaire le coup qu'il avait fait 6 ans plus tôt pour prendre lui aussi la présidence de la région. Passé de Giscard dans les années 70 à Mitterrand dans les années 80, l'élu bourguignon, plusieurs fois ministre, est revenu dans le camp de la droite, jusqu'à faire alliance avec le FN. Pour les cadres de l'UDF, les problèmes s'accumulent. Jacques Blanc, Soisson, mais également Charles Bord, en Picardie et puis Renaud Donnieu de Vabre, rapportent que des élus sont aussi à la manœuvre en région centre. Alors, que faire de ces frondeurs? Faut-il les exclure? Les responsables du parti ne tranchent pas et se contentent d'un communiqué expliquant qu'ils s'opposent à tout accord avec le Front National. Voilà comment, en quelques jours, la droite parlementaire se fissure. Pour qu'on nous retienne, il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas, rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain, se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie, on l'a faite. L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter des belles casques maintenant. Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non. Et c'est ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou qu'on nous donne un diplôme. Parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune. Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On n'a pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place. Sous le déluge, on a roulé sans essuie-glace. Yeah. On a caché ce qu'on avait de plus précieux. La cagoule et puis les bottes de 7 lieux. On mouillait le maillot tout à la fois. Être trimard et saltimbanque, tu le crois. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non. À 3 jours de l'élection des présidents de région, Philippe Séguin persiste dans sa stratégie. Le patron du RPR fait tout pour dissuader les élus de faire alliance avec le Front National. Et il le répète sur le plateau du journal télévisé de France 2. Si le Front National nous tient ce discours, ça ne vous coûtera rien, ça peut vous rapporter gros. S'il change radicalement de position après nous avoir fait battre systématiquement, c'est qu'il est lui-même dans une impasse politique. C'est que... Vous avez bien vu quels étaient ses résultats. Il n'a pas progressé, pour la première fois sur un mode de scrutin qui lui est extraordinairement favorable. Il ne progresse pas, il est dans une impasse, il en a conscience, et il a conscience que ses électeurs sont de plus en plus nombreux à s'en rendre compte. Bien, alors il cherche un échappatoire, et il cherche à nous entraîner dans un engrenage d'alliance. Mais cette alliance, elle est impossible. À la fin de l'interview, Philippe Séguin prend le soin d'ajouter « Nous ne sommes pas des tricheurs ». Le lendemain, les cadres du RPR ne se contentent plus d'avertir. Et pour éviter toute tentative de tricherie, la première sanction tombe. Les dirigeants ont décidé d'exclure Jean-François Mancel, l'ancien secrétaire général du parti, après ses déclarations dans la presse. Il avait confié la veille à un journaliste du Monde « Il faut saisir cette chance qui nous est offerte. Le Front National a enlevé tout ce qui peut nous hérisser sur le plan des valeurs. Ils se rendent compte qu'ils doivent devenir une partie de la droite de demain. » En lisant ces déclarations, Bruno Maigret doit exulter. Le cadre du FN voit en effet sa stratégie triompher. Dans toutes les régions, des négociations ont lieu. Pour la plupart, elles se tiennent en secret, comme l'explique l'ancienne députée Front National Marie-France Tirmois. On les a rencontrés tous les jours, les RPR, comme les UDF. Oh, il a fallu se cacher, et même changer d'appartement. Les journalistes étaient partout, même dans les toilettes de l'hôtel de région. Dans le hall du bâtiment, en effet, les caméras filment les bousculades, les menaces, les cris. Lydie Gerbaud, nouvelle élue RPR, est poussée dans les escaliers par des élus frontistes parce qu'elle refuse de s'entendre avec eux. Elle est minoritaire. De nombreux élus régionaux de droite, eux, sont d'accord pour faire alliance avec le FN. Au Journal de France 2, on résume ainsi la situation. Dans la région centre, il y a également des tentations d'accord entre le FN et certains candidats de droite, de la droite parlementaire. Michaël Darmon, vous êtes à Orléans. Comment évolue la situation aujourd'hui ? Mais écoutez, ici en région centre, véritablement on traverse des jours qui ébranlent la droite. La situation est la suivante. 13 élus Front National peuvent faire basculer cette région à droite, alors que sur le papier, la liste de la gauche plurielle conduite par Michel Sapin possède 3 sièges d'avance. Alors il y a eu hier une rencontre déjà entre une partie de la liste RPR-UDF et le Front National, une rencontre qualifiée de mission exploratoire. Et cet après-midi, tous les élus de droite devraient se réunir autour de Renaud Donnieu de Vabre, le président, la tête de liste, UDF, qui lui ici a renoncé à se présenter à la candidature, disant que la digue était en train de céder, que la pression d'un accord avec le Front National était beaucoup trop forte pour lui. Pour les états-majors du RPR et de l'UDF, la situation devient incontrôlable. Et voilà en tout cas comment, en 3 jours, une élection considérée comme secondaire va devenir une affaire d'État. Face à la menace Front National, 2 personnalités vont s'inviter dans le débat. Lionel Jospin, le Premier ministre, et Jacques Chirac, le Président de la République. Un jour avant l'élection des présidents de région, Lionel Jospin prend la parole sur le perron de Matignon. Je ne fais aucun procès d'intention aux dirigeants de l'opposition. J'ai entendu des déclarations très claires. Je ne veux donc pas croire qu'ils ne veuillent et qu'ils ne puissent empêcher ces alliances. Si elles devaient toutefois se produire demain, ce serait un danger pour notre vie démocratique, ce serait une atteinte à l'image de la France, en Europe et dans le monde. J'appelle chacun à la vigilance et à l'exercice de sa responsabilité. Évidemment, les socialistes qui restent sur le papier les vainqueurs des élections ne veulent pas que certaines régions ne leur échappent. Mais pour Jacques Chirac, Lionel Jospin a marché sur ses plates-bandes présidentielles. Avec ce discours, Jacques Chirac estime que Lionel Jospin va trop loin. Alors il doit réagir, et au plus vite. Ce qu'il fait quelques heures après, lors de l'inauguration du Salon du Livre. Enfin, j'estime que lorsqu'on a des convictions républicaines, ce qui est mon cas, mais ce qui est le cas, heureusement, d'une très grande majorité de Français, eh bien, il ne faut pas transiger. Il faut les respecter. Il ne faut pas accepter de compromettre. Il ne faut pas transiger, le message est clair. Pourtant, Jacques Chirac sait bien que les négociations avec le Front National continuent. Et ce ne sont pas seulement des seconds couteaux qui sont prêts à transiger, là est le problème. Parmi eux, en effet, un homme qui était son ministre de la Défense il n'y a même pas un an, Charles Millon, une sommité de la droite. L'ancien président du groupe UDF à l'Assemblée nationale serait donc prêt à accepter les voix du FN pour garder la présidence de la région Rhône-Alpes. Pour lutter contre les tentations, Philippe Séguin brandit à nouveau la menace des exclusions. Bruno Maigret se dit prêt à accueillir les exclus du RPR au sein du Front National. Dans ce dernier jour avant le scrutin, les menaces et les rappels à l'ordre font monter la tension. Alors, le barrage anti-FN va-t-il tenir ? Les élus locaux vont-ils obéir aux états-majors de l'UDF et du RPR ? Rarement une élection de président de région aura été autant scrutée et attendue, comme le rappelle France Inter. Qui aurait pu dire qu'à l'issue d'une campagne électorale morne et ennuyeuse et d'un vote qui n'a passionné personne, on en serait là aujourd'hui, au cœur d'une crise majeure, l'une des crises les plus importantes dans la vie politique française depuis le début de la Ve République. Et bien sûr, l'intensité dramatique est montée d'un cran aujourd'hui avec l'intervention à quelques heures d'intervalle des deux plus hauts personnages de l'État français qui, tous les deux, ont mis en garde contre une alliance de la droite avec le Front National. Vendredi 20 mars 1998, jour du scrutin. Le cordon sanitaire est rompu dans les premières heures de la matinée dans la région Languedoc-Roussillon. Jacques Blanc, conseiller régional UDF, est élu président de région au premier tour avec toutes les voix du FN. Devant les caméras, il pleure d'émotion et de joie. En Rhône-Alpes, la situation est plus complexe. Gauche et droite sont à égalité parfaite, 60 sièges chacun. Chez les 37 élus restants, 35 sont du Front National. Pour faire basculer le vote, reste à convaincre un chasseur et un indépendantiste savoisien. La droite est confiante, elle pense que les deux élus donneront leur vote à Charles Millon. Mais au premier tour, c'est la surprise. Patrice Abeille, l'indépendantiste savoisien, a donné sa voix à la gauche. Et voilà, nouvelle égalité, 61-61. En suivant le code électoral, dans ce cas, c'est le candidat le plus âgé qui doit prendre la présidence. Né seulement 10 jours avant Charles Millon, c'est le conseiller socialiste Jean-Jacques Kerran qui s'apprête à devenir président. Et coup théâtre à l'Assemblée régionale, Charles Millon réclame un second tour. Avant le nouveau vote, le conseiller Front National Bruno Gollnisch demande alors à Charles Millon s'il est d'accord avec les 6 points du programme d'alliance du Front. Et Charles Millon lui répond... Les points auxquels vient de faire référence Bruno Gollnisch qui sont couchés dans ma déclaration, qui ont fait partie des points que j'ai défendus durant toute la campagne électorale qui vient d'avoir lieu, sont des points que j'appliquerai intégralement dans l'hypothèse où je serai élu. Je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Et voilà, grâce aux voix du Front National, Charles Millon est élu. Dans les rangs de gauche, c'est la stupeur et la colère qui s'expriment avec le cri de « Millon démission ». Car le vainqueur avait-il négocié cet accord avant ? Oui, affirme Bruno Gollnisch, qui avait été reçu dans son bureau 2 jours auparavant. Pour lui, le scénario se déroule comme prévu. Comme ça, c'est clair. Alors, après les régions Languedoc, Roussillon et Rhône-Alpes, à qui le tour ? Dans l'après-midi de ce vendredi noir, comme le qualifiera la gauche, 3 autres élus de droite vont devenir présidents de région grâce aux voix du Front National. En Bourgogne, Jean-Pierre Soisson l'emporte avec le soutien de 9 élus frontistes. En Picardie, Charles Bord a eu besoin de 11 voix FN. Il les a eues. Et Bernard Arand a gagné la région centre avec 13 voix du Front National. Voilà, la digue a lâché. Et c'est du côté de l'UDF que tout a explosé. Les 5 présidents élus avec les voix du FN font partie de ses troupes. Le jour même, les transgressifs sont suspendus. Dans le journal du soir, sur France Inter, Jérôme Dorville analyse les résultats de cette journée folle. Eh bien, ce soir, le Front National a gagné au-delà de ses plus folles espérances. La droite parlementaire est en miettes, ravagée par la rébellion de ses élus locaux. Les états-majors parisiens ne contrôlent plus rien, ou presque. Ce vendredi noir de la droite marque l'échec absolu de ses dirigeants. En Rhône-Alpes, en Picardie, en Languedoc-Roussillon, en Bourgogne, dans la région centre, les élus RPR et UDF ont mêlé leur voix à celle du Front National. Sans état d'âme, en se moquant des avertissements parisiens comme de leur premier accord secret. Le L'opposition est ce soir polytraumatisée, fracture entre la province et Paris, fracture entre la base et les appareils, fracture entre les partisans d'une agglomération de toutes les droites et ceux qui refusent la capitulation morale et la reddition politique. Le lendemain du scrutin, Jean-Michel Tenard écrit dans Libération : le jour de l'arrivée du printemps, la droite est morte, telle qu'elle s'est bâtie depuis la libération autour des valeurs issues de la résistance, telle qu'elle s'est structurée depuis 22 ans en deux formations, l'une héritière du gaullisme, l'autre du libéralisme. La droite s'est éteinte, d'une sale mort, déshonorée pour des présidences de région, dernière roue de la République. Pour sauver l'honneur, le RPR et l'UDF doivent encore gérer les élections dans quatre régions, PACA, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Haute-Normandie. Le samedi, Philippe Séguin lance un dernier avertissement. Certains ont choisi de faire cuire leur petite soupe dans leur petit coin. Ceux-là, et tous ceux qui auront la faiblesse de les suivre, en acceptant des postes dans leurs équipes, se mettront hors des mouvements et partis de l'opposition. Mais ce énième avertissement ne ralentit pas le rythme des négociations gaullistes. En PACA, François Léotard, le patron de l'UDF, qui était tête de liste dans la région, est même débordé par ses troupes. Le député RPR, Christian Estrosi, qui a obtenu le report de l'élection du président de région lundi, négocie avec le Front National. Mais un homme va venir clore le débat d'une manière radicale. Le samedi 21 mars, Jean-Marie Le Pen revendique, dans un souci de réciprocité, je le cite, que les conseillers UDF et RPR de la région PACA l'élisent président de région. Cette fois, la pilule est trop grosse à avaler pour les élus de la droite gouvernementale, non. Et les négociations s'arrêtent. Il n'y aura pas d'alliance avec le FN dans les quatre dernières régions, encore sans président. Le Parti Socialiste remportera ainsi tous les perchoirs le lundi 23 mars. Le soir même, Jacques Chirac s'adresse à la droite pour rétablir le cordon sanitaire qui s'est déchiré au terme d'une semaine qui laissera des traces et qui aura marqué des figures politiques au fer rouge. À la droite républicaine, je voudrais dire qu'elle peut convaincre sans se renier. Elle a pris des engagements, maintes fois répétés, au terme desquels elle n'accepterait aucune compromission avec l'extrême droite. Ces engagements doivent être respectés dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Si je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont fait preuve de courage et de clairvoyance, je ne peux que désapprouver celles ou ceux qui ont préféré les jeux politiques à la voix de leur conscience. Cette attitude, même si elle répond à la volonté de faire barrage à l'adversaire, n'est pas digne et elle peut être dangereuse. Quelques mois après ces régionales de 1998, Bruno Maigret quitte le Front National suite à de nombreux désaccords avec Jean-Marie Le Pen. De son côté, Alain Madelin, qui n'avait pas condamné les alliances avec le FN, quitte l'UDF. Le 21 avril 2002, à la surprise générale, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Et la question des alliances est oubliée. Le cordon sanitaire est rétabli et des milliers de personnes le font savoir dans la rue pendant l'entre-deux tours. 20 ans après, le Front National accède une deuxième fois au second tour de la présidentielle, mais cette fois dans le rôle de lio utile. Ce parti rêvait d'une inversion du rapport de force avec la droite parlementaire en sa faveur. Il a beau avoir été créé par un Breton, à chaque fois il échoue au port. J'acceptais par erreur ton invitation, j'ai dû gouré dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disant entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les régionales en 1998, le Front National et la droite parlementaire. Je t'aime, moi non plus. Notre invité aujourd'hui, Dominique Albertini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à Libération et auteur de l'ouvrage Histoire du Front National. Alors, précisément, puisque vous êtes un spécialiste du Front National, je disais tout à l'heure que pour l'instant, dans sa volonté de voir le rapport de force s'inverser avec la droite parlementaire, le Front National, jusqu'à maintenant, c'est un constat, a échoué. Absolument. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il échouera demain. Ça ne veut pas dire qu'il échouera demain. On constate que lors de la dernière présidentielle, il est arrivé au second tour quand la droite dite traditionnelle n'y est pas arrivée. Il n'est pas dit que le rapport de force interne à la droite qu'on a observé jusqu'à présent soit éternel. On observe pour l'instant plutôt le contraire. Alors je disais dans une formule un peu osée tout à l'heure que le Front National avait un peu joué les idiots utiles. C'est-à-dire que le fait que le Front National ait accédé, soyons francs, arrêtons d'être naïfs ou hypocrites, le fait d'avoir le Front National en face de soi, pour l'instant, l'instant, quand on est d'un candidat, permet une très large élection et une très large légitimité et finalement un pouvoir encore plus fort. C'est quand même ce qui s'est passé là, en 2017. Et puis si, effectivement, le Front National arrive au second tour, on rappelle quand même que le candidat de la droite était très bien parti, il n'aurait peut-être pas été élu forcément, Fillon, mais il y a eu ses problèmes, qui fait qu'il a été mis de côté. Jean-Luc Mélenchon, lui, est arrivé une sorte de plafond de verre également. Bah, tout ça a fait que le Front National aussi s'est retrouvé au second tour. Mais franchement, pouvait-il l'emporter? Franchement. Sur l'élection présidentielle dont nous parlons, la précédente, le consensus était que non, que Marine Le Pen n'avait pas un soutien majoritaire dans l'opinion, qu'elle a montré durant la campagne présidentielle des limites politiques assez évidentes. Voilà. Mais quand on a dit cela, on se rassure peut-être un peu facilement, et dans les commentaires, il faut à la fois rappeler ce que vous venez de dire et rappeler que jamais le Front National n'a réalisé un score aussi élevé, jamais il n'a réuni autant d'électeurs. Donc attention à ne pas se rassurer trop facilement. Bien sûr, on en revient à ce qu'on disait pour l'instant. Il a échoué au soir du grand soir, parce qu'il échoue pas aux européennes, la présidentielle, puisque tout est axé là-dessus en France. Oui. Pour l'instant, il a échoué. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il échouera la prochaine fois. Et il a échoué en raison d'un mode de scrutin dont vous voulez peut-être parler. Voilà. Eh bien, on y va. Bah oui, le mode de scrutin. La proportionnelle, effectivement, ça n'est pas l'usage ici, donc c'est un blocage pour le Front National, mais au bout du bout, et au fond du fond, si on a fait un scrutin proportionnel, on aurait peut-être, nous aussi, plus de 50, entre 50 et 100 députés du Front National, il faut aussi le rappeler. Oui, le Front National a été contenu grâce à un outil assez radical, qui est un outil électoral, qui est le scrutin majoritaire, qui, dans la plupart des cas, soit a empêché son accès au second tour, soit au second tour, le laissant privé d'alliance, lui a fait souvent subir de larges défaites. À l'inverse, les quelques exemples que nous ayons chez nous de recours au scrutin proportionnel coïncident souvent avec d'excellents résultats du Front National. Pensons aux législatives de 86, où il obtient 35 députés. Mmh. Il n'est jamais revenu à ce niveau depuis. Pensons aux élections européennes, qui, elles, se font toujours à la proportionnelle et qui ont fait du Front National le premier parti de France lors des dernières européennes. Et puis, vous avez évidemment l'exemple de ces régionales qui, lorsque ce scrutin a lieu pour la première fois en 86, se joue, vous l'avez rappelé, à la proportionnelle à un tour. Ce sera encore le cas en 92 et encore le cas pour la dernière fois en 98. Et là, on a le résultat que vous avez raconté. Et d'ailleurs, le lien entre le mode de scrutin et le succès du Front National est si évident que dès 99 et puis encore en 2003, on s'empressera de modifier le mode de scrutin pour les régionales et on introduira deux nouveautés qui sont censées et qui vont arriver de fait à limiter les performances du Front National dans les régionales. D'abord, l'ajout d'un deuxième tour avec un seuil d'accès de 10% et ensuite une prime majoritaire, c'est-à-dire un petit bonus en nombre d'élus pour le parti arrivé en tête. Voilà. 98, ça a été un vrai tournant. On a développé l'idée métaphorique encore du cordon sanitaire pendant tout ce récit. Ça a été vraiment un tournant. Un vrai tournant par l'ampleur du sujet, par l'émotion qu'il a suscité, par l'évidence de la fracture interne à la droite. Ce n'est pas une première. Hein. Il y a évidemment l'exemple de Dreux, 83. Bah oui. Première alliance. C'était le début, entre, d'ailleurs. Voilà, dans cette petite ville, première alliance entre le Front National, en l'occurrence Jean-Pierre Stirbois, et la droite municipale. Et régional de 86 également, hein, qui se joue déjà à la proportionnelle et où, dans plusieurs régions, par exemple en PACA, chez Monsieur Gaudin, des alliances ont lieu entre la droite et le Front National. Et donc, quelque part, certains récidivistes de 98 sont un peu sur leur lancée. Hein, ça n'est pas tout à fait inédit, ce qu'on observe à ce moment-là. Certains observateurs et même des hommes politiques de premier plan considèrent, alors c'est très politiquement incorrect hein, de dire ça, en fait considèrent que le Front National, finalement l'extrême droite, est un prolongement naturel de la droite. Prolongement naturel de la droite. Au niveau des idées. Et qu'à un moment donné, ces alliances, elles valident ça aussi, sur le fond du fond, et qu'on n'est pas forcément que dans une stratégie électorale. Oui, le Front National défend des choses qui n'ont jamais ou très rarement été dans le programme de la droite. Et oui, c'est pour ça que c'est voilà. Sulfureux. C'est pour ça qu'il dit. Hein, oui. Bien sûr, mais c'est plus évident à certaines périodes qu'à d'autres. et c'est d'autant moins évident lorsque la droite traditionnelle se droitise et lorsque le Front National, édulcore un peu son discours. Ce qu'il faut retenir dans l'histoire qu'on a racontée, ça n'est pas seulement la tentation d'une partie de la droite. C'est l'un des ingrédients. Peut-être le plus important, mais il y a autre chose. L'autre bout de la ficelle, c'est la proposition du Front National de leur offrir un programme allégé, quelques points dont on exclut les grands marqueurs traditionnels du Front National, et notamment la préférence nationale, et qui sont censés faciliter le rapprochement. Et ça, c'est très important, parce que sans cet effort de la part du Front National, on voit bien que les choses n'auraient pas été aussi simples, et que certains vont céder à la tentation en disant précisément, vous voyez, on ne me demande rien d'impossible, hein, ce sont des points qui sont déjà dans mon programme, à la limite. Mmh. Et donc, il fallait ces deux ingrédients pour que les deux bouts coïncident. Je rappelle qu'en 1988, Charles Pasqua, qui était le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, candidat à la présidentielle au second tour contre François Mitterrand, avait dit entre les deux tours, nous partageons un certain nombre de valeurs avec le Front National. Vous vous souvenez de cela? Oui, absolument. Et ça avait créé alors c'est vrai que le camp Chirac était aux abois, puisque beaucoup d'indicateurs disaient que la défaite de Chirac serait lourde devant François Mitterrand. Elle l'a été, hein, 54%. C'est énorme dans nos scrutins. Et donc, effectivement, elle était aux abois jusqu'à peut-être dire n'importe quoi, mais ça a été dit. Et par Charles Pasqua. Oui, toujours très compliqué de savoir si c'est dit dans l'intention de préparer le terrain à une alliance ou simplement pour faire venir à soi des électeurs tout en continuant à refuser toute alliance de parti à parti. Hein, ça n'est pas évident de faire la différence. Mais ce qu'on peut observer, c'est que ce genre de phénomène a tendance à se produire à chaque fois que la droite est sur la défensive. Après les grandes défaites historiques face à la gauche, début des années 80, par exemple à Dreux, après la victoire de Mitterrand, 98, le contexte est très important, on est un an après la dissolution de Jacques Chirac, la victoire de la gauche, la droite est sur une position extrêmement défensive, elle ne veut plus rien céder à cette gauche, et donc elle est prête à imaginer cette alliance interdite pour ne pas reculer à nouveau, et évidemment la question se pose encore aujourd'hui, elle est très actuelle. La droite est à un niveau historiquement bas et la tentation, de nouveau, est devant elle. Est-ce que le fait que François Léotard et François Bayrou, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des alliances, justement? On rappelle hein, que les présidences, c'est toutes des présidences UDF, hein, finalement. Oui. Bon, c'est parce que François Léotard et François Bayrou n'ont pas su tenir leurs troupes. Il y a eu un problème de leadership. Oui, il y a peut-être eu effectivement des consignes données de manière plus précoce et plus ferme à droite, je veux dire au RPR, avec notamment les positions extrêmement fermes d'abord de Séguin et ensuite de Chirac, qu'on a entendu. La tradition gaulliste, alors à droite, on voit bien qu'elle n'a pas vacciné tout le monde, mais peut-être dans l'appareil du parti, ce cadre-là de pensée a peut-être servi aussi de frontière. Et puis, alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a joué, mais il y a entre l'extrême droite et un certain centre des passerelles philosophiques ou intellectuelles qu'on a observées en tout cas à d'autres moments. Il y a la tradition anticommuniste, il y a un certain anti-gaullisme aussi. Mmh. Alors, je le dis sans savoir si ça a joué dans les présidents UDF qu'on a cités, mais on l'observe à d'autres époques, ça facilite certains contacts, ça facilite certains transferts d'un camp à l'autre, généralement de l'extrême droite vers la droite traditionnelle, et donc ça vaut le coup de l'avoir en tête à mon avis. Je suis... Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. En PACA, parce que pendant que se jouent toutes ces manœuvres dans les régions, et finalement ça devient une affaire nationale, en PACA, il y avait une alliance alors, qui s'était décidée entre Christian Estrosi, donc du RPR, et Jean-Marie Le Chevalier du Front National, pour diriger la région. Finalement, l'accord ne s'est pas fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet épisode qui est resté en coulisses? Qui est resté en coulisses. L'histoire telle qu'on l'a recueillie avec David Doucet dans l'histoire du Front National, c'était un accord donnant-donnant qui impliquait l'Île-de-France et la région provençale. En Île-de-France, le FN aurait soutenu la candidature à la présidence de région d'Édouard Balladur. En contrepartie, la droite provençale, et par exemple Christian Estrosi, aurait soutenu l'élection d'un candidat FN à la présidence de la région. L'accord en Île-de-France est tombé à l'eau. Il entraînait avec lui l'accord en PACA. Et il y a également le fait que Jean-Marie Le Pen insistait pour être le candidat frontiste à la présidence de PACA. C'était crédible, ça? C'était crédible. C'était très compliqué parce que Jean-Marie Le Pen était à cette époque l'homme du détail et l'homme de repoussoir et l'homme de bien des dérapages. Bien sûr, donc il avait été convenu que Jean-Marie Le Chevalier, son second dans la région, soit le candidat frontiste. Et Jean-Marie Le Pen finalement a refusé de s'effacer devant son second, comme il refusera de s'effacer derrière Bruno Maigret. Et donc son insistance pour être le candidat frontiste a aussi contribué à faire échouer ce montage. Mais Bruno Maigret a vu quand même sa stratégie triompher, parce que lui, il était déjà dans la respectabilité de ce parti pour qu'il puisse faire alliance, justement, avec peut-être le rêve de cette fameuse inversion du rapport de force. Bien sûr. Alors, on est sur la stratégie de Bruno Maigret de modération, y compris du programme Front National, si ça peut faciliter des passerelles. Et à l'inverse, la position de Jean-Marie Le Pen est plus difficilement lisible, parce que il y a un an auparavant, pendant les législatives, Jean-Marie Le Pen était l'homme qui déclarait qu'il préférait voir une assemblée de gauche que de droite. Et le voilà un an après qui soutient presque un programme commun avec la droite. Donc on a Jean-Marie Le Pen qui fait ces espèces d'embardées assez illisibles, et on a Bruno Maigret constant dans la stratégie de modération, de crédibilisation et de main tendue à la droite. Alors dans le genre un peu illisible, on va faire un bond jusqu'en 2015, où on parlait à l'UMP pour les élections régionales, en cas de gauche et de droite, de Nini, hein, le fameux Nini. Alors, moins clair que Nini, ça n'existe pas, on écoute. On annonçait un bureau politique houleux, la tempérance et le consensus l'ont emporté. Les consignes de Nicolas Sarkozy, ni fusion, ni retrait de liste pour faire barrage au FN sont claires et approuvées. Le bureau politique des Républicains exclut donc tout retrait, toute fusion, toute alliance, tout accord qui donnerait le sentiment aux Français qu'on voudrait leur confisquer l'élection. Seuls deux membres ont voté contre la ligne sarkozyste, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin, tous deux partisans d'un retrait de la liste arrivé troisième en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Quand on est en troisième position, on se retire. C'était ma position. Je l'ai défendu avec conviction au sein des Républicains, mais elle n'a pas été majoritaire. Ah, parce que le Nini dans la méthode, effectivement, c'est clair, mais dans ce que ça veut dire politiquement, c'est quand même beaucoup moins clair. Ça traduit plus un immense embarras qu'une stratégie politique bien définie. Bien, nous sommes d'accord. Alors, dernière question qui va nous projeter vers le futur. Tout le monde estime que le Front National va renaître, non pas de ses cendres, évidemment, mais redevenir plus fort, pour tout un tas de raisons politiques, mais aussi pour son incarnation avec Marion Maréchal, qui a créé son école politique à Lyon, et tout le monde la voit arriver et renverser la table. Peut-être aller un peu vite en besogne, qu'en pensez-vous ? Aller un peu vite en besogne, c'est-à-dire que il est évident que Marion Maréchal a un potentiel électoral considérable, une popularité considérable parmi des militants et de son parti d'origine et de la droite traditionnelle, et qu'elle a en quelque sorte la vie devant soi ou la vie politique devant soi. Ce qui est moins évident, c'est quel est le moyen d'action qu'elle va préférer. Elle a la voie électorale, qu'elle a déjà expérimentée et dont elle a constaté quelque part l'échec, et puis elle a la possibilité de tenter une convergence un peu plus théorique, par exemple avec l'école qu'elle vient de créer à Lyon, pour donner une formation commune à de jeunes cadres de droite et d'extrême droite, et faire que ces gens se connaissent, discutent, élaborent un corpus commun. Pour l'instant, elle déclare privilégier le deuxième chemin. Pour combien de temps, je ne sais pas. L'avenir nous le dira, oui. Comme on dit de façon commode. Voilà. Sans doute. Dominique Albertini, bonjour. Bonjour, merci. Je rappelle que vous avez écrit avec David Doucet ce livre « Histoire du Front National » chez Texto, qui a servi de base, évidemment, à notre travail. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui quand la droite pactise avec le Front National, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.